Chapitre 86. Le respect des engagements et des promesses. Allah Ta'ala dit: et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Sourate 17, verset 34. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté. Sourate 16, verset 91. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Sourate 5, verset 1. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Sourate 61, verset 2 et 3. 689. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: on reconnaît l'hypocrite à trois choses. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, il ajouta: même s'il jeûne, accomplit la prière et prétend qu'il est musulman. 690. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quatre caractéristiques font de celui qui les réunit toutes un véritable hypocrite. Et s'il n'en possède qu'une seule, il se sera doté de l'une des caractéristiques de l'hypocrite jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Quand on lui confie quelque chose, il trahit. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand il se dispute, il devient injuste. Al-Bukhari et Muslim. 691. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit: si l'argent, le tribut, de Bahreïn arrive, je te donnerai tant, tant et tant, en indiquant la quantité à l'aide de ses mains à trois reprises. Or, l'argent de Bahreïn n'arriva qu'après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, radiyallahu anhu, le premier calife, ordonna alors que l'on fasse cette déclaration: que celui à qui le messager d'Allah a promis quelque chose ou envers qui il a laissé des dettes se présente à nous. Je vins le voir en lui disant: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a promis telle chose. Abu Bakr puisa à l'aide de ses mains de l'argent que je comptais. Il y avait là 500 dinars. Il me dit alors: prends encore deux fois la même quantité. Al-Bukhari et Muslim.